Depuis que l'humanité est humanité, elle cherche à coller. Si les premières colles remontent a priori à Néandertal, de tout temps nous avons cherché des adhésifs nouveaux pour fixer ensemble des matériaux divers, le bois et la pierre, le bois et le métal et le métal, et jusqu'aux matières organiques, aujourd'hui avec les colles chirurgicales. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne colle ? Se trouve-t-elle dans la nature ou est-elle totalement synthétique ? À quels critères doit-elle répondre ? Peut-on coller sans colle ? Et surtout, trouvera-t-on un jour la colle universelle ? Colle, une histoire d'adhésion, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous faire donc adhérer à ce programme, et ce sera le dernier jeu de mots raté de l'heure qui débute, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alba Marcelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, ex-université Pierre et Marie Curie. Vous êtes chercheuse au laboratoire Sciences et Ingénierie de la Matière Molle, au même titre que votre collègue Costantino Créton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur de recherche CNRS dans le même laboratoire, ce laboratoire de sciences et ingénierie de la matière molle à l'ESPCI Paris, également à Paris Sciences et Lettres. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur les ondes de France Culture et comme chaque jour en complément via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, bien une question peut-être assez simple. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne colle, Alba Marcelin ? Alors une bonne colle, c'est un vaste sujet. Je dirais que ça permet d'assembler des matériaux de même nature ou de nature différente et de faire en sorte que cet assemblage soit très robuste pour des colles par exemple structurales ou au contraire des assemblages qui peuvent être résorbés et repositionnés. C'est le cas, par exemple, du post-it. C'est-à-dire qu'en fait, Costantino Créton, il n'y a pas vraiment de bonne colle. Une bonne colle est une colle qui est parfaitement adaptée à un usage particulier. Il n'y a pas de colle universelle, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, surtout dans les applications industrielles, il y a des colles différentes pour chaque usage, pour chaque application, qui sont optimisées pour la façon dont on veut s'en servir. Il y a peut-être un peu plus de colle à tout faire au niveau des particuliers. Si vous allez au magasin de bricolage, là, vous allez trouver des colles qui sont pas forcément très pointues, mais qui doivent servir à un grand nombre d'usages et qui fonctionnent plus ou moins bien, comme on a l'occasion de s'en rendre compte soi-même. Aujourd'hui, la recherche sur les colles, en tout cas, c'est une recherche qui soulève beaucoup d'enjeux, d'enjeux industriels. Notamment, Alba Marcelin, dans quel type de domaine, par exemple industriel, on a besoin de colles importantes ? Je pense évidemment à l'aéronautique, au transport, mais certainement plein d'autres. Oui, tout à fait. Donc, de manière un peu plus générale, l'adhésion, c'est vraiment un très vaste domaine. Donc, on a bien l'image de cette colle, donc de cet élément qu'on va ajouter aux interfaces pour réaliser l'assemblage. Mais on retrouve ces problématiques d'adhésion dans d'autres domaines peut-être plus insoupçonnés. Un exemple, c'est les matériaux composites. Hein. Un pare-choc de voiture, c'est des fibres de verre avec une matrice polymère, polypropylène par exemple. Et là, l'adhésion, l'interface entre les fibres du matériau composite et la matrice sont cruciales. D'autres exemples, ça peut être une peinture. Une peinture, il y a des pigments, il y a différents éléments, des formulations très compliquées dans lesquelles il y a du polymère qui va assurer le liant et in fine, après séchage, on doit idéalement avoir une peinture qui adhère bien au mur. À la surface. Les problématiques des colles, c'est évidemment la problématique primordiale qui est celle de l'assemblage, mais ça peut être aussi, c'est une histoire qui est très liée à l'histoire des plastiques, en tout cas dans l'histoire de la chimie contemporaine, c'est aussi lié à des problématiques d'étanchéité, de plasticité, de souplesse, de rigidité. Il n'y a pas que la notion d'assemblage qui est importante quand on parle de colle. Non, alors c'est vrai, ce qui est peut-être assez important à voir dans les colles, c'est que la plupart du temps, on essaye quand même d'assembler des matériaux rigides qui vont avoir un relief qui peut être très différent, qui peut être rugueux, qui peut être lisse. On peut avoir toutes sortes de reliefs. Et donc, au départ, une colle, c'est quelque chose qui peut exister à l'état liquide et ensuite à l'état solide. Elle doit être à l'état liquide pour effectuer un contact au niveau moléculaire avec la surface à coller, des deux côtés, hein, des deux matériaux. Et puis après, il faut qu'à un moment donné, il y ait une transformation d'un liquide à un solide, alors de nouveau plus ou moins résistant, et ce solide va être ensuite la colle durcie. Alors c'est vrai que là-dessus, les plastiques et les polymères ont un avantage primordial parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui permettent de passer du liquide au solide à travers la chimie, à travers la température, à travers l'évaporation, par exemple, d'un solvant. Il y a différentes, en jouant sur les propriétés elles-mêmes du matériau, comme dans les scotch, on peut avoir le comportement liquide et le comportement solide en même temps. Et donc, c'est ça qui est un peu au cœur de la colle elle-même. Et des problématiques. Ouais. Est-ce que toutes les colles fonctionnent de la même façon au niveau précisément moléculaire? Est-ce qu'il y a différentes formes, j'imagine, de polymères? Il y a différentes formes de structures? Est-ce que tout liquide qui, à un moment donné, va durcir et va permettre de faire tenir ensemble deux matériaux distincts s'accroche à ces matériaux de la même façon? Ou est-ce que c'est, au contraire, un éventail très, très différent, Alba Marcellan? Je dirais que effectivement, ce qu'a évoqué à l'instant Costantino, c'est effectivement crucial, à savoir que pour réaliser une adhésion, et donc au moyen par exemple d'une colle, un élément crucial et fondamental, c'est de pouvoir réaliser un contact intime entre les deux surfaces. Donc il y a toujours des rugosités, des infractuosités, et donc ce contact intime est vraiment le primordial. B à bas des colles. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et ce que mettent en jeu, avec de manière plus ou moins marquée selon les applications, hein, encore une fois, coller une aile d'avion ou coller son post-it, ça n'engage pas, bien sûr, les mêmes mécanismes. Ni au niveau physique, ni au niveau chimique. Exactement, ni au niveau risque, on va dire. On préfère, en tout cas, oui. Mais il va y avoir un aspect clé qui va être de permettre à cette interface d'absorber et de dissiper de l'énergie pour qu'elle soit robuste. Autrement dit, le but, c'est de pouvoir appliquer des efforts mécaniques, une énergie mécanique qui va pouvoir être dissipée de manière, avec des visées bien particulières en fonction de l'application adhésive structurale ou au contraire... C'est vrai que sur cette notion-là de dissipation d'énergie, en fait, il faut bien voir que quand on effectue un collage, après, il faut pouvoir le tester. Est-ce que ça tient, ça tient pas? Et on ne sait pas vraiment le tester autrement qu'en le cassant. Donc, dans les expériences qu'on fait dans les laboratoires, mais aussi chez les industriels, on va effectuer ce collage et ensuite on va tirer dessus et on va essayer de le casser et on va mesurer l'énergie qu'il faut fournir pour casser le collage. Si l'énergie est très élevée, on va dire tiens, c'est un bon collage. Si l'énergie est faible, on va être peut-être satisfait. Bien sûr, on va se mettre des limites en disant voilà, pour mon application, c'est ça que je veux obtenir au minimum. Ou pour telle autre application, j'ai un peu moins, mais on va en général utiliser ces tests destructifs. Donc il faut qu'on doit fournir un minimum d'énergie pour pouvoir casser ce collage. Après, on va se poser des questions de durée de vie. Comme disait Alba, une aile d'avion ou un post-it, dans un cas, ça peut être quelques secondes, et dans le cas de l'aile d'avion, on aimerait que ça tienne 40 ans. Alors, je vous rassure tout de suite, pour les ailes d'avion, on utilise aussi des rivets. Enfin, il n'y a pas que des colles. Voilà. Mais par contre, là, la colle dans l'aéronautique sert à éviter qu'il y ait des forces très très élevées qui soient appliquées pile sur le rivet. Donc on va coller autour du rivet, et donc ça va distribuer un petit peu les contraintes, les forces autour du rivet, et ça va réduire les efforts sur des points bien précis. Donc ça devrait augmenter la durée de vie du système. Donc c'est, par contre, vous parliez de chimie, plus on veut que le collage soit durable, et plus on lui demande d'être résistant, et plus il faudra faire particulièrement attention à la chimie, à l'interface, c'est-à-dire entre la colle et la surface à encoller. Si c'est du post-it, vous en fichez complètement, vous allez coller n'importe où, ça colle. Et par contre, si c'est quelque chose qui doit durer 20 ans, on va préparer la surface très soigneusement et on va faire une adéquation entre la chimie de la colle et la surface. Et la chimie de la surface, bien sûr. On va voir que précisément, et on y reviendra tout à l'heure, peut-être plus tard dans cette émission, qu'aujourd'hui, les problématiques liées à la colle sont aussi des problématiques, notamment dans les transports, de réduction du poids et donc d'économie d'énergie. Et on va voir qu'on est en plein dans une réflexion sur les nouveaux modes et les nouveaux alliages et les nouveaux méthodes de construction de transport. Mais peut-être peut-on repartir depuis le début, puisqu'il y a eu une étude qui est assez récente, qui date de l'été dernier, qui dit que les premiers usages de colle remonteraient à 200 000 ans. C'est-à-dire que finalement, on colle depuis très très longtemps, même avant nous, Néandertal collait, Alba Marcelan, a priori. Il y a encore un peu de doute, mais on a trouvé des traces de goudron qui aurait servi de colle chez Néandertal. Oui, effectivement. Par exemple, pour emmancher les outils, donc finalement, placer des matériaux coupant sur des manches en bois, on a effectivement trouvé trace d'usage de colle à base de polymères, bien sûr, mais des polymères végétale ou biologique. Donc ça peut être des glues, sève, mais il me semble qu'effectivement le travail dont vous faites allusion est assez remarquable, parce qu'on s'aperçoit que l'homme de Néandertal n'utilisait pas simplement un matériau collant, gluant, comme la sève d'arbre, mais il y avait des processus bien, bien complexes pour processer même des colles, c'est-à-dire utiliser l'écorce de bouleau, je ne me souviens plus très très c'est bien. C'est ça, c'était de l'écorce de bouleau. Avec tout un procédé, un processus, on ne va pas dire industriel, mais en tout cas d'artisanat extrêmement pointu en fait. C'est intéressant de voir quels sont les premiers, justement, les premiers biomatériaux qui sont utilisés. Alba Marcelan évoquait évidemment les sèves, les résines, mais qu'est-ce qu'on trouve dans l'histoire des colles? Quelles sont les premières colles qu'on trouve à utilisation assez fréquente et assez facile finalement à produire, Costantino Créton? Mais je crois que dans l'Antiquité, il me semble qu'ils utilisaient une sorte de goudron pour l'étanchéité. Enfin, le collage n'était absolument pas dissociable de l'étanchéité, en particulier pour les bateaux. Donc quand ils avaient besoin d'étanchéifier les coques des bateaux, et ils utilisaient des liquides qui peut-être avaient un peu un caractère solide suivant la température. Je pense que la première chose qu'ils ont dû trouver, c'est que certains liquides, en les chauffant, ils sont suffisamment liquides pour pouvoir les faire couler dans des anfractuosités. Et puis après, si on les refroidit, au moment qu'ils restent à basse température, à la température de l'eau de mer par exemple, ils vont durcir et là ils vont agir comme des matériaux solides. Très probablement, ils devaient aussi avoir beaucoup de réparations. À mon avis, ils avaient leur seau de goudron avec eux dans le bateau, et puis de temps en temps ils devaient l'utiliser pour l'étanchéité. Mais je crois que ça, en tout cas, ça a été documenté. Les premiers bitumes qui sont des alliages organiques, on en trouve trace au paléolithique déjà, 35 000 ans. Vous vouliez réagir, Alba Marcelan? Oui, parce que là on évoquait finalement des biopolymères, donc issus de ce qu'on appelle du monde naturel, qui sont, on l'a dit, d'origine végétale, mais il y a aussi des traces, me semble-t-il. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est au niveau paléolithique, mais en tout cas il y a aussi des usages de colle extraite du monde animal, qui sont les colles à base de gélatine, qui est en fait issue du collagène dénaturé. Donc on parle de colles à os, qui étaient aussi les précurseurs de nos colles. On parle de colles à os, on parle de colles aussi à base de poisson, oui, de peau de bœuf. Il y a plein de Ça a été utilisé pendant longtemps, et il me semble que sur les timbres-poste, avant qu'on passe à des timbres-poste post-it, il y avait des colles qui peut-être étaient d'origine. C'est à base de caséine, je crois. Caséine qui est la protéine du lait. C'est à base de protéines, et c'est vrai que tous ceux qui ont fait la cuisine savent que si on laisse sécher des restes de poisson, ça peut coller très très bien. Ça colle un peu, outre la petite odeur désagréable. Les premiers pas de la chimie moderne et des colles modernes, Costantino Créton, on est au début du XXe siècle, c'est-à-dire passé la révolution industrielle, on commence à faire le milieu du XXe siècle, autour de la guerre, avec les premiers, ce qu'on appelait les polymères thermodurcissables, donc c'était des polymères synthétiques qui, par réaction chimique, là il y avait vraiment une réaction chimique pour les transformer de liquide à solide. Ça vient un peu avec effectivement le développement des polymères synthétiques, de la chimie organique. J'aurais dit peut-être un petit peu avant la guerre, mais l'utilisation comme adhésif synthétique, peut-être c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu vraiment un développement industriel important et beaucoup d'applications qui se sont développées, de l'optimisation. La colle au pinceau, faut que ça colle, car si ça ne collera, la fiche s'envolera. La méthode scientifique. La colle au pinceau, pinceau. Nicolas Martin. La colle est taquée au pinceau. À 16h16 sur France Culture, nous parlons d'école aujourd'hui, après avoir évoqué rapidement leur histoire. Nous en parlons en compagnie d'Alba Marcelan et de Costantino Créton, qui sont tous deux chercheurs au laboratoire de sciences et ingénierie de la matière molle à l'ESPCI Paris, ainsi qu'à Sorbonne Université et Paris Sciences et Lettres. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on catégorise ? On a parlé d'école d'inspiration biologique, végétale, des polymères strictement de synthèse. Comment est-ce qu'on les catégorise ? Est-ce qu'on les catégorise par type de polymère, par type de collage, par type d'utilisation ? Alba Marcelan ? Moi, je dirais qu'il y a... Tu me diras si je me trompe, Costantino. Je dirais qu'il y a deux grandes catégories. Colle structurale, donc pour réaliser des assemblages de matériaux très rigides, et on souhaite que la colle soit rigide elle aussi. Et ce type de collage est à différencier avec... plutôt ce qui est communément appelé comme des adhésifs, c'est-à-dire voilà, coller l'étiquette de shampoing, voilà. Donc avec ces processus, on souhaite que le décollement se fasse facilement, voilà, simplement, harmonieusement. Et c'est plutôt effectivement du domaine de la fixation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications où on veut simplement fixer quelque chose à un endroit précis. On n'a pas besoin que ce soit excessivement solide, mais il ne faut pas que ça bouge. Il faut que ce soit fixé à cet endroit-là. Donc, et après, il y a évidemment, comme dans toutes les applications industrielles, il y a une question de coût. Donc il y a certaines applications qui doivent être vraiment pas chères. Donc justement, l'étiquette de votre bouteille d'eau minérale, là, il faut que ce soit vraiment un coût minimal. Et on va utiliser quelque chose qui est fondu. On va le déposer fondu, on va le faire refroidir. Ça prend une seconde pour coller, même pas une fraction de seconde. Ça coûte rien du tout. Donc là, on va l'utiliser. On n'a pas besoin que ça tienne. Il faut juste que ça garde l'étiquette en place pendant un certain temps. Alors que c'est vrai que si vous assemblez une voiture... On n'a pas les mêmes contraintes, c'est pas du tout le même type d'adhésif. On utilise aujourd'hui encore des colles type naturelle, de celles dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des colles à base de caséine, d'amidon ou de cellulose. Il me semble, oui, dans certaines applications. Il me semble que dans la lutherie, on peut utiliser cette colle à os. Oui, il y a certaines applications particulières. L'utilisation de blanc d'œuf ou de jaune d'œuf dans certaines formulations de peintures qui sont en marge de l'adhésion, mais qui quand même permettent de réaliser des liants. Et puis je crois qu'il y a aussi un retour vers des choses naturelles actuellement, parce qu'on cherche à avoir des produits biosourcés, toujours pour dans l'idée du développement durable, de remplacer un certain nombre de produits qui sont issus du raffinage du pétrole par des produits qui viennent de produits naturels. Donc je pense que ça, c'est un des sujets de recherche, de développer des colles qui peuvent être utilisées industriellement, mais qui sont à base de produits biosourcés. Ça, je crois que je ne sais pas s'il y en a énormément qui sont actuellement sur le marché. Ça reste des usages marginaux mais aujourd'hui. Pour le moment, c'est marginal parce qu'il y a vraiment un problème de fiabilité. Ça prend longtemps pour pouvoir certifier que la colle va bien remplir son cahier des charges. Ça dépend vraiment de l'application. Est-ce qu'il faut distinguer les colle de type physique ou colle chimique, est-ce que ce sont les mêmes processus ? Est-ce que c'est des distinctions importantes qu'il y a d'un côté une colle dont les effets soient en fait des effets strictement physiques, ou est-ce que toute colle est forcément une composante chimique, Costantino Créton ? Alors ça, effectivement, ça c'est la distinction que font les plutôt les physico-chimistes. Et la colle physique fonctionne en général par un principe de cristallisation. C'est-à-dire on a un mélange de composants et au-delà d'une certaine température, tout est fondu. Donc on a un comportement liquide. Et quand on refroidit la colle en contact avec les deux surfaces, on va avoir un phénomène de cristallisation, de durcissement, qui est lié à un changement d'état physique, mais pas chimique. Donc il sera complètement réversible. Si on a une colle de ce type-là, si on chauffe, hop, voilà. Ça va se décoller. Voilà, exactement. À l'inverse des colles chimiques qui... Les colles chimiques ne sont pas prévues. C'est une des questions, effectivement, aussi de recherche. C'est que, par exemple, dans l'automobile, il y a maintenant un souci de recyclabilité, cycle de vie de l'ensemble du véhicule. Et ça concerne aussi les adhésifs. Et les adhésifs utilisés actuellement dans l'automobile sont des adhésifs à base chimique qui sont absolument pas prévus pour être recyclés. Donc il y a de la recherche pour essayer de trouver des adhésifs qui pourraient se... On appelle ça la démontabilité, qu'on pourrait casser sur mesure, par exemple en chauffant ou en leur appliquant un stimulus qui permettrait de rompre ces liens chimiques et de démonter, finalement. C'est-à-dire qu'a priori, une colle chimique, une fois qu'elle a pris, oui. on ne peut plus la défaire, ou alors il faut utiliser des solvants. Enfin, en tout cas, ça n'est plus, on ne peut plus la défaire par des méthodes strictement physiques. Albin Marcellin. Oui, tout à fait. Alors, il y a peut-être un autre exemple de colle physique dans lequel, c'est le cas des post-it par exemple. Des colles par pression, hein, les scotch, tout ça, ce sont des colles physiques en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut exercer de la pression pour que ça tienne. Plus on appuie sur un bout de scotch, et mieux ça fixe. Voilà. Et sur ce type de colle, donc ça, tout le monde a fait l'expérience de décoller une étiquette de la bouteille de shampoing, parce que là, ça se décolle en général assez bien. Le substrat est favorable au décollement. c'est un cas particulier où la colle, donc c'est un polymère, on va dire liquide, très très visqueux. Qui interagit uniquement par des interactions très très faibles sur la surface du substrat. Et ce qui va donner la robustesse à l'assemblage, c'est le fait que lorsqu'on va peler, lorsqu'on va essayer de retirer cette étiquette, on peut le voir si on a des bons yeux, on voit tout au fond du front de fissure, en fait, tout un tas de petites fibrilles qui se forment et qui sont liées au fait que le polymère, qui est à l'état fondu mais très très visqueux, eh bien, va se réorganiser, se réarranger, glisser, friction. Et tout ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure de dissipation d'énergie. Donc, toute la robustesse, en fait, de cet assemblage est liée à ces mécanismes de désenchevêtrement, de réorganisation du système. Alors, effectivement, ces colles-là, c'est un peu particulier puisque c'est des colles qui sont toujours, enfin, celles qui sont disponibles commercialement, c'est des colles qui sont toujours quand même solides. C'est des solides très mous, très déformables, très viscoélastiques, mais ça reste des solides dans tous les états, donc on les dépose à l'état solide. Mais comme c'est très mou, ça peut se conformer à la rugosité de surface, donc on peut quand même avoir un contact moléculaire, mais quand on tire dessus, ça reste un solide, et du fait de cette dissipation d'énergie, de cette friction interne, il faut fournir beaucoup d'énergie quand même pour décoller. Par exemple, les scotch double face, là on a parlé du post-it, où effectivement ça colle très peu, mais il y a des adhésifs qui collent beaucoup mieux. Si vous avez des étiquettes sur le pare-brise de votre voiture, par exemple, quand c'est fait pour pas être décollé, ça se décolle pas si facilement que ça. Donc on peut les optimiser pour qu'il y ait quand même une bonne adhésion. Et là, il y a toute une série d'applications. Par exemple, dans votre téléphone portable, vous avez énormément de ces petits morceaux d'adhésifs qui tiennent en place un certain nombre de parties du téléphone et qui les protègent aussi des vibrations. Donc, c'est des mousses adhésives. Et là, ça a un grand intérêt de pouvoir déposer un petit carré de mousse solide. Ça va pas couler, ça va pas baver sur le téléphone. Et on les dépose précisément. C'est un robot, évidemment, qui va faire ça. Et là, ce type de colles qui sont là pour fixer sont extrêmement utiles et très utilisés. Et résistent à un certain nombre de contraintes. Et on va voir que c'est important, parce qu'on demande à ces colles de résister à des contraintes, parfois des contraintes très fortes. On parlait évidemment de l'aviation, mais il y a d'autres types de contraintes, parfois notamment à l'humidité. On leur demande de résister à des milieux salins pour les colles sur les bateaux, par exemple, ou pire encore, à des milieux corporels. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé aux colles chirurgicales, les colles qui pourraient un jour peut-être faire en sorte que les points de suture ne soient qu'une histoire révolue. Vous êtes donc allé jouer à la fois au docteur et au petit chimiste. Je suis devenu Devinez quoi ? Le docteur chimiste ? Non, pas du tout, je suis devenu incollable. Mais c'était la dernière blague qu'il fallait faire et puis on l'a faite maintenant. Voilà, c'est fait. Pardon. Et j'ai rencontré Christophe Bancel, qui est cofondateur et directeur général de Gecko Biomédical. Il m'a expliqué le développement de cette colle à base de polymères synthétiques et biodégradables qui permettent la reconstitution de tissus humains. Il nous raconte dans le détail comment fonctionne cette innovation et pourquoi cette colle pourrait bientôt être présente dans beaucoup de blocs opératoires. Cette technologie venait d'un besoin simple, entre guillemets. Était-il possible de boucher, fixer une malformation intracardiaque avec un composé qui puisse après se biodégrader, donc partir, et permettre que l'on puisse avoir la cicatrisation des tissus. Sauf qu'on voulait que ceci se passe et soit appliqué à l'intérieur du cœur pendant qu'il battait. La conséquence directe de cela était qu'il fallait avoir un produit qui soit à la fois biocompatible, bioresorbable, qui ne réagisse pas avec le sang, donc hydrophobe, et qui puisse polymériser lorsque le médecin le décidait, donc qu'il soit activable. Et c'est cette technologie-là qui a été inventée. Alors comment ça marche du coup quand on utilise cette colle biomédicale? Comment elle se résorbe et comment on fait en sorte de fermer une plaie? Alors en pratique, nous sommes focalisés uniquement sur les plaies internes, donc vraiment la chirurgie interne. C'est assez simple à appliquer, si je puis dire. C'est un produit qui a la consistance du miel, un peu comme un miel d'acacia, visqueux, liquide et visqueux. Vous l'appliquez sur la zone considérée, et une fois qu'il a rempli sa fonctionnalité, soit permettre d'éviter une fuite, soit rapprocher et fixer deux tissus ensemble, ou éventuellement remplir un volume pour faire avec une approche de comblement avant que les tissus puissent être à nouveau colonisés à nouveau, vous l'activez avec une lumière très spécifique, qui a une longueur d'onde prédéfinie, et donc le produit à ce moment-là va passer de son état liquide visqueux à un état solide mais flexible. Une fois qu'il aura permis d'avoir les propriétés mécaniques nécessaires, les tissus sous-jacents vont cicatriser normalement, et petit à petit le polymère lui va disparaître en se dégradant simplement. Le mécanisme est un mécanisme d'hydrolyse assez simple et répandu dans le corps. L'intérêt principal, c'est que notre polymère est fabriqué de 3 monomères. Et sur ces 3 monomères, 2 de ces monomères sont déjà présents comme des composés chimiques dans votre corps, ce qui explique sa grande biocompatibilité. La biocompatibilité, c'est le fait qu'un produit ne crée pas de dommages lorsqu'il est implanté, d'inflammation ou autre. Alors là, on est dans le laboratoire. Il y a plusieurs champs de recherche aujourd'hui autour de ce monde des cols que vous explorez? Oui, tout à fait. Au début, lorsque nous avons créé la société, nous étions une petite entité. Il fallait un projet très clair, très spécifique qui nous permettait d'avancer. Et nous avons décidé d'avancer une des versions de notre polymère, parce que nous avons en fait une famille de polymères disponibles, en travaillant sur ces différents monomères, ces différents blocs, un peu comme des pièces de Lego. Nous avons décidé d'avancer sur une première application qui était faire un polymère qui puisse permettre de boucher des fuites sur une ligne de suture, typiquement. Et nous avons avancé ce programme-là dans le domaine de la reconstruction vasculaire, donc les chirurgies vasculaires, des artères ou des veines. Et l'idée était de pouvoir, lorsqu'une ligne de suture fuit, appliquer le polymère, un peu comme un mastic, j'aime pas trop ce terme-là, qui est pas très élégant, mais l'idée était vraiment là, appliquer le polymère pour rendre cette ligne de suture hermétique. Néanmoins, la famille de polymères que nous développons peut être appliquée dans différents contextes. Nous avons aujourd'hui développé des applications dans le domaine de la reconstruction du nerf périphérique, où l'idée là est de fixer entre eux deux nerfs lorsqu'il y a eu un traumatisme. Donc là, dans ce cas particulier, la fixation se fait en absence totale de suture. Donc on recolle, si je puis dire, les nerfs ensemble. On a développé d'autres applications comme dans le domaine du comblement, donc mélanger notre polymère à des matrices qui permettent la régénération des tissus qui existent déjà pour leur donner la bonne densité et pouvoir les manipuler à l'intérieur du corps, soit lors de chirurgie ouverte, soit lors de chirurgie qu'on appelle mini-invasive où on rentre avec des petites caméras en faisant des toutes petites incisions. Dernière application qui elle est plus loin, plus lointaine, mais qui aujourd'hui est une réalité dans nos laboratoires et bientôt dans notre développement, c'est l'application où nous utilisons le polymère non pas comme une colle, mais comme une résine, si je puis dire, et nous pouvons aujourd'hui photo-imprimer des implants par impression 3D, donc des volumes très complexes. Et un des intérêts de notre technologie réside dans le fait que la résolution d'impression nous permet de descendre jusqu'à 25 microns. Là, typiquement, nous avons les implants que je viens de vous décrire par impression 3D, qui sont, comme vous le voyez, microscopiques. Ils font 1 mm de diamètre extérieur. Et dans cette structure de 1 mm, ces tubes de 1 mm, nous sommes capables de réarchitecturer, reconstruire des structures beaucoup plus fines. Donc typiquement ici, vous voyez, nous avons une seringue pré-remplie dans laquelle notre polymère a été conditionné. Et le médecin ouvre la poche. Il dispose là alors d'une seringue pré-remplie, fixée. Il peut y ajouter un applicateur qui dépendra de la procédure chirurgicale considérée. L'embout est fait pour pouvoir appliquer sur une surface un peu large. Et typiquement, on peut appliquer le produit. Alors nous avons mis le produit, les bleus, pour être plus facilement visualisable par le médecin. Et vous appliquez comme ceci. Vous pouvez faire des films très fins. Actuellement, nous sommes capables d'appliquer sur un tissu type une artère des films d'une épaisseur de 300 à 400 microns, très simplement. Vous avez après alors une lampe toute simple, ça ressemble un peu à une baguette fine, comme un pointeur, qui elle fonctionne automatiquement. Vous appuyez sur un bouton, elle est rentrée dans une housse stérile afin d'assurer la sérité de la procédure. Vous appuyez sur le bouton et votre produit polymérise. Et là, du coup, vous avez allumé la lampe et vous faites sécher la colle. La colle va polymériser et passer à son état liquide visqueux. Un état solide mais flexible. Ça prend combien de temps à peu près? Alors, du coup, la durée de polymérisation est d'une entre 20 et 30 secondes. Et là, vous avez le produit, vous pouvez toucher, c'est polymérisé. Aujourd'hui, notre produit, dans le domaine du vasculaire, nous avons réalisé des études cliniques chez l'homme qui ont été positives et ont abouti à l'homologation réglementaire de notre produit, qui nous permettra de le commercialiser, de mettre à disposition des chirurgiens pour leurs patients l'année prochaine. La raison de ce délai est due au fait que nous sommes en train de construire une très grande usine qui permettra de fabriquer l'intégralité de nos familles de polymères pour toutes les applications. Donc c'est une usine qui sera vraiment transverse. Dans cette même unité, nous aurons une salle qui sera dédiée à l'impression 3D des implants physiques. Donc ce site que nous avons mis en place, que nous sommes en train de construire et de finaliser à Roncq, permettra d'assurer la production et la fourniture de ces dispositifs, non seulement pour l'Europe, mais pour le reste du monde aussi. Voilà le reportage du jour dans la start-up Gecko Biomédical à propos de ces cols, hein, de ces cols chirurgicales qui se développent de plus en plus et qui intéressent la médecine. Mais on avance tout de même pas à pas, comme vous venez de l'entendre. Une réaction à ce que vous voulez, ce que vous venez d'entendre, Alba Marcelan, Constantino Creton. Alba Marcelan. Oui, donc je crois que ce Gecko Biomédical, c'est une start-up qui est issue de, bah, voilà, de la recherche fondamentale menée par des collègues aux États-Unis, au MIT et à Harvard. Effectivement, ils relèvent le challenge de partir du laboratoire jusqu'à des commercialisations. Je ne sais pas si ces cols sont déjà commercialisés. D'ici l'an prochain. L'an prochain, d'après ce qu'on entendait à l'instant. Constantino Creton, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Alors, je dis la même chose. Effectivement, je connais cette société. Je crois qu'ils sont. C'est une collaboration aussi franco-américaine. Et je sais qu'ils se sont établis en France aussi parce que c'était plus facile de travailler avec les médecins français qu'avec les médecins américains pour faire des essais en stade de préclinique. Les médecins français sont plus prêts aussi à faire des essais et pour eux c'était plus intéressant de travailler en France. Donc c'est sûr qu'ils développent des nouvelles possibilités, des nouveaux outils. Après, encore faut-il arriver à convaincre effectivement le milieu médical de l'intérêt de ces outils, mais ça c'est le problème, la problématique de la société. On parlait tout à l'heure des différentes contraintes, hein, on parlait évidemment de contraintes plutôt mécaniques. Dans le domaine biomédical, c'est évidemment différent. Ça veut dire qu'on travaille différemment sur ces cols chirurgicales qu'on ne travaille sur des cols industriels pour des matériaux, pour du matériau inerte. Alors certainement, il y a la question de l'innocuité des ingrédients. C'est-à-dire que si on travaille sur des cols biomédicales, il faut absolument démontrer qu'il n'y a pas de toxicité des ingrédients. Que c'est biocompatible. Donc ça veut dire qu'on a une boîte à outils qui est beaucoup plus restreinte et avec laquelle il faut travailler. Et après, dans cette boîte à outils, on a quand même un certain nombre de possibilités pour faire des innovations, des inventions, et exactement c'est ce que cette société fait. Mais on a moins de liberté de choix, d'ingrédients au départ. qu'on peut plus difficilement casser pour voir si ça tient. Voilà. Alma Marcellan, les contraintes de ces cols chirurgicales sont plus élevées de facto, ou est-ce que elles sont autres, elles sont différentes? Elles sont bien sûr différentes parce que le milieu est différent. Hein. C'est un milieu extrêmement complexe, le tissu vivant. Donc, d'un point de vue osmotique, d'un point de vue composition chimique, d'un point de vue durabilité, bien sûr biocompatibilité. Après, effectivement, les problèmes de toxicité aujourd'hui, la chimie est au cœur de beaucoup de réflexions sur l'innocuité et les problèmes de toxicité. Il y a aussi un aspect important, je pense, qui sont les rapports bénéfices-risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des cols cyano-acrylates qui ne sont pas vraiment très différentes des cols que vous pouvez acheter dans votre Bricorama. Des cols très fortes, pour ne pas citer de marque. Exactement. Voilà. Et qui ont été mis sur le marché à un moment donné où il fallait faire vite et efficace. Hein, pendant ces cols cyano-acrylates, elles ont été développées pendant la guerre du Vietnam. Et donc, effectivement... C'était des cols chirurgicales. Hein. Oui, des cols, les premières cols cyano-acrylates qui ont été utilisées. Et qui sont toxiques. Elles ont un degré de toxicité, ça c'est évident. Mais après, il y a un rapport bénéfice-risque très important. L'autre aspect que je vois assez différent dans les applications biomédicales, ce sont, qui sont bien entendu liés, c'est tout l'aspect financier. Pour pouvoir valider, faire des tests sur le petit animal, et puis pour aller jusqu'à des tests sur l'homme. Et ça demande des investissements gigantesques. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Wheels go down the bottle and in another dream of you all night long. Out of town, I had to go, but now I need a cup of something black and strong. Beside me, I was used to waking up with you here now. You're gone. Why, oh, why didn't you hurry along with me this time, right or wrong? As a matter of fact, I can't stop thinking about you, babe. Together and that thing is cool. Beautiful love, a friend, I'll never leave you again. You and me, we're sticky like glue. Bright blue eyes staring right into mine, saying good morning, how are you? I can't lie, waking up in a plane without a warning. Ain't à Sticky Like Glue à 16h40 sur France Culture, puisque nous parlons de col tout au long de cette heure en compagnie d'Alba Marcellan et de Costantino Creton, tous deux chercheurs au laboratoire de sciences et ingénierie de la matière molle à Sorbonne Université, à l'ESPCI, Paris et à Paris Sciences et Lettres. Alors un mot, parce que Alba Marcellan, vous travaillez vous-même sur un nouveau type de col qui est encore un type de col différent de toutes celles qu'on a évoquées jusqu'ici. Certainement à la fois chimique et physique, peut-être plus physique que chimique. Ce sont des cols qui utilisent les nanoparticules. Expliquez-nous un peu. Oui, alors en fait, effectivement, dans tous les exemples qu'on a vus jusqu'à présent, on a vu que la brique élémentaire pour formuler une colle, ce sont les polymères. Et, Et donc on a vu, parce qu'ils permettent d'assurer un bon contact, ils permettent de produire, de mettre en œuvre des mécanismes de dissipation qui rendent l'interface robuste. En fait, ce qu'on a proposé, c'est finalement une colle sans polymère. C'est le fruit de recherches qui ont été menées avec des collègues de l'ESPCI, Ludwig Leibler notamment, et dans lequel on cherchait coller des matériaux qui sont un petit peu particuliers, qui sont des gels. Comment est-ce qu'on colle des gels, effectivement? Alors, dit comme ça, c'est assez étonnant. Alors, coller des gels... Qu'est-ce qu'on entend par gel, peut-être, pour commencer? Voilà. Alors, un gel, c'est une famille de matériaux assez fascinants. Ce sont des solides, on pourrait les définir comme des solides élastiques mous, qui sont principalement constitués d'eau ou de solvants. Donc, l'exemple classique, c'est la jelly, la gélatine. On sait que si on veut préparer ce super dessert anglo-saxon, on prend une petite cuillerée de solide, des protéines, en fait, de la gélatine. On solubilise ça dans un demi-litre d'eau chaude. Et puis, au refroidissement, ce qu'on obtient, c'est un solide. Alors, c'est un solide, bien que 97% du constituant du matériau soit de l'eau. De l'eau, c'est ça. Donc, pour coller ces gels entre eux, c'est des systèmes qu'on pense assez intéressants parce que justement, principalement constitués d'eau, donc avec un bilan, un cycle de vie plutôt vertueux, qu'on cherche à rendre aussi robuste que des caoutchoucs. Dans leur utilisation, pour leurs applications, l'assemblage est un point clé. Donc si on assemble ces systèmes qui sont principalement constitués d'eau avec des polymères, c'est assez compliqué. Mm-hmm. Ça met en jeu soit des réactions chimiques, soit d'appliquer des chaînes de polymères aux interfaces, et ça c'est assez peu efficace. Et donc, en fait, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser des solutions de nanoparticules, en l'occurrence des nanoparticules de silice, comme colle. Donc, une colle sans polymère. Et alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce que ces nanoparticules permettent de faire adhérer ce solide à moitié liquide, ou quasiment liquide, ou presque liquide, que sont les gels? Alors, ce sont des solides plutôt... élastiques, c'est-à-dire ils sont très mous, mais élastiques comme l'est la gélatine. Donc en fait, le principe, c'est un principe d'interaction physique, comme on l'a vu tout à l'heure avec le post-it, c'est-à-dire que l'image simple qu'on peut se faire, c'est que les nanoparticules vont se placer, donc sont placées à l'interface, vont jouer le rôle de connecteur entre les deux gels par simple adsorption. Ce qui est crucial pour rendre l'interface robuste, c'est le fait que ce processus d'adsorption du polymère va mettre en jeu tout un trafic d'accrochage, décrochage, déboutonnage des chaînes de polymères à la surface. Un point qui me semble intéressant sur lequel insister, quoi, c'est que le chimiste très souvent construit des matériaux, construit des colles, formule des systèmes dans lesquels il y a des réactions chimiques. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de réaction chimique. Ce qu'on utilise simplement, c'est des interactions qui sont a priori de très faible intensité. Mais comme elles sont nombreuses, il y a des effets d'élancement, des effets géométriques très importants qui font que, même avec des interactions localement faibles, on peut obtenir des effets qui peuvent sembler paradoxaux de à premier abord. Est-ce que ça a à voir avec un type d'adhésion aussi qui a été très documenté et qui intéresse de très près l'industrie, celle qu'on appelle des pattes de gecko, l'effet van der Waals, où à force d'avoir plein de petits points d'accrochage, mais démultipliés par millions, et bien finalement il y a une force de traction qui est extrêmement importante, Constantino Créton? Oui, alors on peut voir effectivement une analogie avec ce cas-là, parce que c'est vrai que dans les années 2000, des biologistes se sont intéressés à l'adhésion de ces petits lézards. Ils ont observé au microscope électronique leurs pattes et ils ont vu qu'il y avait effectivement des millions de points d'accroche. Et ce sont des espèces de soies, c'est en fait. C'est une sorte de soie, voilà. C'est des spatules, mais qui font une dizaine de nanomètres. Donc, c'est des spatules qui sont extrêmement petites et il y en a énormément. Et la patte du gecko permet de se conformer un peu à la surface et ça lui permet d'avoir en même temps une très forte adhésion. Mais après, il utilise sa patte aussi pour pouvoir se décoller, courir très vite. Le gecko peut courir à 1 mètre par seconde sur une paroi verticale. Donc il a vraiment une façon de coller-décoller qui est plus complexe que simplement l'accroche. Mais et c'est vrai que je crois qu'il pourrait supporter 4 kg de tension. Hein. Oui, alors c'est que ça. Alors que de 300 grammes, un petit gecko, ça supporterait 4 kg. On arrive à tirer dessus. Il y a des gens qui font des expériences avec des geckos vivants qui tirent pauvre dessus. Bête. Pauvre bête, exactement. Non, on fait pas ça nous dans notre laboratoire. Mais, et il y a eu beaucoup de bio-inspirés, c'est-à-dire qu'effectivement de gens qui ont essayé de reproduire un petit peu ces picots sur des matériaux synthétiques. Avec plus ou moins de réussite, avec l'idée, cette fois-ci, pas tellement de faire des adhésifs, mais plutôt la locomotion. Donc, ils avaient en tête le petit robot qui, comme le gecko, grimpe au mur ou au plafond, et donc avoir une adhésion qui peut être multiple. Ce qui peut être intéressant pour l'industrie aérospatiale aussi, absolument, l'espace, etc. Donc là, c'est aussi l'idée, c'est quand même un petit peu différent des particules sur les tissus vivants, mais c'est vrai que les particules, c'est aussi des multitudes de points d'accroche qui sont peut-être plus résistants qu'une couche uniforme. Ce sont les fameux tissus adhésifs ou les colles sans colle. Quelles seraient les applications, en l'occurrence, de cette nanocolle que vous avez développée, Alba Marcelan? Quelles pourraient être ces applications? Est-ce que, par exemple, on entendait tout à l'heure la colle chirurgicale, c'est des types de colle qui pourraient fonctionner sur des tissus mous et des tissus organiques ou pas du tout? Oui, alors je pense que effectivement, on a dans le laboratoire de l'ESPCI, là, on a osé un détour vers un autre champ disciplinaire que le nôtre. On est allé vers la biologie et testé ces hypothèses sur des tissus biologiques, en se disant que de prime abord, finalement, il y avait une analogie évidente entre un gel et un tissu biologique. Les deux sont mous, les deux sont liquides, contiennent beaucoup de fractions liquides. Finalement, des chaînes aussi de polymères, protéines, polysaccharides, etc. Donc, en fait, on a d'abord eu un peu le culot, je dirais, de tester ces hypothèses sur du foie. Acheté en boucherie. Hein. Et du bonbon fleuve à prélever sur des gens dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et puis bon, on a envoyé un papier dans Nature qui a été accepté. Voilà. Mais de manière un peu plus sérieuse, a été testée cette méthode de collage, donc avec solution nanoparticules sur le petit animal, sur le rat. Et il semble que les résultats soient prometteurs. Hein, quand on compare l'adhésion avec nanoparticules de silice ou d'oxyde de fer, comme il a été testé avec d'autres types de colles chirurgicales qui existent, les cyanoacrylates par exemple, eh bien on voit que l'adhésion entre les tissus est faible comparée aux cyanoacrylates, certes, mais elles permettent de maintenir les tissus en contact intime. Et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'il y a très peu de matière, finalement, qui est déposée à l'interface. Et donc, l'interface collée reste perméable. Et donc, certainement, donc ça reste bien sûr à être mieux compris, à être étudié. Hein. C'est encore une découverte assez récente. Mais en tout cas, le fait que l'interface reste perméable, certainement que les processus de réparation physiologique prennent le pas et permettent la réparation des tissus. Avec la question, évidemment, comme toujours pour l'école chirurgicale, de la toxicité et de la diffusion de ces nanoparticules dans l'organisme, évidemment. Évidemment. un mot, on arrive vers la fin de cette émission. On en parlait tout à l'heure, il y a effectivement, Costantino Créton, un retour. On voit beaucoup d'études aujourd'hui vers le biomimétisme, vers la bio-inspiration. Pas mal d'études qui ont été publiées, notamment récemment sur des colles inspirées de la bave de limaces, inspirées du mucus des limaces, d'autres inspirées de la colle des moules pour de la chirurgie fœtale. Normalement, aujourd'hui, cette recherche chimique, elle se réoriente effectivement vers de la bio-inspiration. Oui, alors c'est vrai qu'il y a, une tendance pour aller vers des produits bio-inspirés. En général, ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le vivant réel et d'en extraire le principe actif. On ne va pas essayer de reproduire ce qui se passe dans le vivant, c'est trop complexe, mais on va essayer d'en dégager quelques principes importants et ensuite on va essayer de décliner ces principes avec quelque chose qu'on sait faire synthétiquement, qui reste aussi un coût abordable, pour avoir un peu d'inventivité au niveau des solutions. C'est-à-dire on cherche parfois simplement à faire du naturel, je dirais à remplacer du synthétique par du naturel, mais le plus souvent c'est aussi des solutions un peu créatives, en essayant de voir ce qui fonctionne dans le vivant, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être déclinées sur des systèmes synthétiques, et est-ce que ces idées-là, que ça peut être au niveau de la chimie, ça peut être au niveau de la mécanique, de l'architecture du système, il y a pas mal de variantes derrière le terme biomimétisme. Mais ce biomimétisme, il est surtout recherché pour l'école chirurgicale ou également pour l'industrie? Ah non, aussi pour l'industrie, justement pour les robots, la locomotion. Il y a un certain nombre de choses qui sont tout à fait dans l'idée biomimétique. Par exemple, la résistance à l'eau, c'est un problème, effectivement, on l'avait évoqué au début. Dans les applications industrielles, il y a une certaine durabilité qui est demandée et ça implique aussi une résistance en milieu humide sur des temps assez longs. Donc on peut avoir des systèmes biologiques qui résisteraient très bien avec des solutions qui sont un peu différentes et qui peuvent inspirer du coup les chimistes des adhésifs qui peuvent incorporer certaines solutions dans leur chimie. Ça, c'est des choses qu'on voit peut-être plus dans les laboratoires de recherche que dans les produits industriels pour le moment, mais on va peut-être dans cette direction. J'ai vu qu'il y avait aussi des recherches sur autour des bananes. Vous savez, les bananes, tout le monde connaît ça. Ce sont ces petits crustacés pyramidaux qui se collent sur les bateaux, qui sont un cauchemar pour les marins et qui créent un ciment d'une robustesse incroyable. Oui, alors là, effectivement, on aimerait plutôt s'en débarrasser. C'est-à-dire, trouver des solutions. Parce qu'actuellement, ces mollusques qui vont sur les coques de bateaux, il y a eu pendant longtemps la solution qui était de peindre les bateaux avec des peintures toxiques, surtout les gros navires, et qu'on peut pas sortir de l'eau. Et là, effectivement, ça tue les animaux, mais ça va dans l'eau. Donc, c'est plus autorisé. Et trouver des solutions, effectivement, qui empêchent ces animaux de venir se coller sur la coque, c'est absolument pas trivial. Et là-dessus, c'est certainement un sujet de recherche qui est très actif. Et puisqu'on parle de recherche, et bien comme chaque mercredi, c'est l'heure de donner la parole à la recherche contemporaine, aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses qui seront les scientifiques, qui sont déjà les scientifiques d'aujourd'hui et qui seront l'avenir de la recherche en France et peut-être à l'étranger. Bonjour Sébastien Gentil. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes. Vous êtes en troisième année de thèse CIFRE entre l'entreprise Socomore à Vannes et le laboratoire Cirimat à Toulouse. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci pour votre invitation. Pour commencer, peut-être un petit mot sur le contexte de la thèse et peut-être Socomore et le Cirimat, peut-être que la plupart des personnes ne connaissent pas. Alors, je fais partie de Socomore et il s'agit d'une PME bretonne qui est spécialiste dans le traitement et la protection de surface pour le milieu aéronautique. Donc ça, c'est plutôt pour le côté recherche privée. Et le Cirimat, c'est un laboratoire de recherche, donc comme vous l'avez dit, du côté de Toulouse, qui travaille sur les problématiques autour des matériaux. Alors, les tests CIFRE, donc ce sont des tests qui sont lidés en fait par des contraintes industrielles très très fortes, et dans mon cas en fait il s'agit de contraintes ou de besoins qui sont issus du secteur aéronautique. Donc depuis quelques années, ce secteur en fait fait face à de nombreux challenges. Donc les challenges peuvent être technique avec des contraintes environnementales. Là, on peut parler par exemple du remplacement du chrome 6, qui est assez connu et assez montré dans tous les médias. Mais il y a aussi des challenges qui sont plus des challenges industriels, avec des besoins du marché qui grandissent et donc qui vont pousser les constructeurs à produire toujours plus d'avions et surtout toujours plus vite. Je prends l'exemple de Airbus, donc qui est assez connu en France, qui prévoit pour les 10 prochaines années de fabriquer autour de 10 000 avions, ce qui correspond à ce qu'ils ont fabriqué depuis le début de leur existence, c'est-à-dire il y a plus de 42 ans. Donc, pour faire face à cette augmentation de cadence, il y a certains besoins qui sont exprimés, et notamment ces besoins sont exprimés aussi autour des adhésifs, et ce qu'on va appeler la polymérisation sur demande. Alors, pour expliquer un petit peu le contexte et prendre un exemple de la vie courante, tous les jours, je vais prendre un exemple de la colle qui polymérise très vite, pour ne pas citer de marque, on l'a tous utilisé. On a tous essayé de souffler sur cette colle pour faire qu'elle polymérise plus vite parce qu'on l'a trouvée trop lente. Mais dans le même temps, on s'est aussi tous retrouvés, je pense, avec parfois les doigts collés parce qu'elle a pris beaucoup trop vite. Donc cette problématique, même si elle est un peu plus complexe, on va la retrouver aussi dans l'assemblage des structures pour les avions. Donc il faut que les colles polymérise plutôt lentement à température ambiante pour permettre l'application sur la structure, permettre les contrôles, le retrait et la réapplication. Mais une fois que le travail est terminé, il ne faut pas non plus que l'avion reste immobilisé pendant plusieurs heures. Et il faudrait que d'un simple claquement de doigts, la colle soit complètement dure. Donc c'est là que les chimistes deviennent en quelque sorte des magiciens et conçoivent des adhésifs qui polymérisent, on peut aussi comprendre durcissent sur demande. Alors pour ça, en fait, il y a plusieurs voies qui sont possibles. Il y a les ultraviolets, par exemple, qui sont beaucoup utilisés dans le milieu médical, notamment chez les dentistes, par exemple. On peut aussi comprendre induction ou micro-ondes. Chez Socomore et avec le Cirimat, on a abordé le sujet d'une manière un petit peu différente. Et en fait, on a proposé une polymérisation accélérée sous infrarouge. Alors, pourquoi sous infrarouge? Parce qu'elle permet en fait la polymérisation plutôt à basse température et surtout sans modification de la formule de l'adhésif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter de produits qui pourraient modifier la nature de l'adhésif ou qui pourraient être des composés polluants et donc avoir une voie de polymérisation sur demande qui est plus universelle. Alors pour ces travaux de thèse, j'ai divisé avec le Cirimat l'étude en deux phases principales. La première, ça a été l'étude de la cinétique. Donc on a étudié la polymérisation, la vitesse de polymérisation sous infrarouge. On a vu qu'il y avait tout d'abord en fait un effet thermique, c'est-à-dire que la colle chauffait et donc du coup elle polymérisait plus vite. Bon, ça c'est un effet pas très original, mais on a observé qu'à basse température, en fait, il y avait un nouveau phénomène qui est très peu connu, qu'on a appelé nous effet non thermique, qui est en fait l'absorption des infrarouges par les polymères qui constituent la colle et qui vont réagir beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concret? Si on prend un adhésif modèle, il devient dur au toucher au bout de 2-3 heures. Lorsque l'on est dans des conditions optimales de laboratoire, on peut réduire ce temps en fait jusque 5 minutes. Par contre, ça reste du laboratoire. On a essayé de faire des essais avec des contraintes ou en tout cas en conditions industrielles et on est sur des temps de polymérisation autour d'une vingtaine de minutes. Donc ce qui reste très très faible comparé au temps initial. La seconde phase, en fait, elle s'est portée surtout au niveau des propriétés de notre adhésif parce que ce qu'on cherche avec une colle, c'est qu'elle colle. Et donc il ne faut pas que la cinétique modifie les propriétés de notre adhésif. Donc on a étudié en fait le comportement adhérence du composite de la colle après polymérisation. En quelques mots pour conclure parce qu'on arrive à la fin, Sébastien oui. Gentil. C'était la fin? Alors oui, c'était la fin. Alors si je peux conclure alors, en deux secondes parce qu'on va être en retard, mais allez-y. D'accord. Alors là, je suis plutôt en fin de thèse en troisième année, donc ça reste une recherche plutôt avancée. L'objectif à la fin, c'est d'avoir plutôt une colle qui polymérise très vite, et peut-être qu'un jour on verra certains avions sans aucun rivet, sans aucun boulon, et qui volent avec des structures 100% collées. Et sur lesquelles vous aurez travaillé, eh bien on va surveiller de ça voilà. Et on va garder votre numéro de téléphone au cas où surtout. Merci beaucoup Sébastien Gentil. Merci Alba Marcelan. Merci Costantino Créton. Merci à nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Nomi Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Sarah Igemans, Sonia Leglen à la réalisation, Inès De Bruyne à la technique. Dans un instant, c'est le troisième LSD de la semaine, la série documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin cette semaine, Écrire l'amour. Tout à l'heure, après le journal de 18h, dans Du grain à moudre, Hervé Gardette se demandera si l'intégration peut se passer de politique. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous traiterons d'un sujet sensible, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale, mais pas que, c'est aussi le cas en chimie par exemple, celui des conflits d'intérêts. Ils pourrissent les rapports entre les chercheurs et le grand public. Peut-on les éviter? Faut-il les interdire? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.